Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'affaire Quentin Trintignant, la tragédie de Vilnius. Voilà qui nous renvoie des images que nous avons tous en tête. Le corps de Marie plongé dans le coma, allongé sur une civière et assailli par les journalistes. Le chanteur Bertrand Cantat, le regard vide. La tête enfouie sous les épaules, les mains menottées. Des images au goût amer, celles d'un geste fou, horrible, impensable. Parce qu'ils étaient célèbres, parce qu'ils avaient du talent, parce qu'ils incarnaient chacun à leur manière la vie d'artiste, parce qu'ils étaient beaux et qu'ils s'aimaient d'un amour fou, ce fait divers tragique s'est transformé en drame national. La peine, la compassion, la stupeur et la colère, autant de sentiments que tous les Français ont, à un moment ou un autre, ressenti au cœur de ce sombre été. En ces temps où la parole des femmes abusées se libère, à la veille de la journée des droits de la femme. Et au cœur de la polémique autour du festival Papillon de nuit où Bertrand Cantat est programmé le 18 mai prochain, retour donc sur cette affaire Cantat Trintignant. En seconde partie, nous recevrons Pitiou Lecoq, journaliste et romancière, auteur d'une série d'articles dans Libération sur les meurtres conjugaux. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. On va faire le coup de la clope. La scène 10, c'est fini, c'est bon. Donc là, pour les autres comédiens, non, c'est bon, vous avez le gros café. Ouais, on s'y retourne, on va mettre nos chaussures, en vrai. Ça va clapper fort dans les oreilles. Samedi 26 juillet 2003, Vilnius, Lituanie. Dans la capitale de l'État balte se déroule le tournage d'un téléfilm français. Le nom du projet, Colette. Cette fiction sur la vie de la célèbre écrivaine est réalisée par Nadine Trintignant. Comme souvent, la réalisatrice tourne en famille. Dans le rôle principal, sa fille, l'actrice Marie Trintignant, qui a coécrit le scénario. Le fils aîné de Marie, Roman, y joue un rôle, et son frère, Vincent, est assistant. Sur le plateau, Marie Trintignant est souvent accompagnée du chanteur Bertrand Cantat, son compagnon. Ils vivent depuis peu une histoire passionnelle. Rien ne laissait présager une telle idylle entre l'actrice et le chanteur. Marie Trintignant, 41 ans, est née sur les plateaux de cinéma. Fille du célèbre acteur Jean-Louis Trintignant, elle suit la voie de ses parents. Les Français ont appris à reconnaître son visage fin au large sourire, son regard noir profond et sa voix grave dès ses 16 ans dans le rôle de Mona aux côtés de Patrick Devers pour le film Série Noire. Bertrand Cantat, lui, a 39 ans. Il est issu de la classe moyenne et c'est à la force du poignet et de son talent qu'il a investi la scène rock de Bordeaux avant de conquérir la France du rock à la tête du groupe Noir Désir. Son écriture, sa voix, ses engagements politiques en ont rapidement fait le héros d'une génération. Voilà bientôt un an que les deux artistes se sont rencontrés. C'était au cours de l'été 2002, après un concert de Noir Désir. Le groupe est alors en pleine tournée de son album Des visages, des figures, son plus gros succès. Le coup de foudre opère avec le public et dans la vie privée, autrement dit, avec Marie. Elle et lui se retrouvent dans une même manière de vivre la vie et l'amour intense et romantique. À l'époque, ils sont tous les deux mariés. Marie avec Samuel Benchetrit, auteur et réalisateur, Bertrand avec Christina Radi, qui attend leur deuxième enfant. Ils annoncent leur rupture à leurs conjoints respectifs pour vivre librement leur passion. Un an après, ce 26 juillet 2003, Vilnius, si d'apparence tout va bien, la situation entre les deux amants est en réalité compliquée. L'un et l'autre ont du mal à gérer cette période de transition familiale, notamment avec les enfants. Chacun semble être jaloux des rapports entretenus avec l'ancien conjoint. Heureusement, le tournage touche à sa fin. D'ailleurs, ce soir-là, on organise le pot de départ de l'acteur Lambert Wilson. Pendant la soirée, Bertrand et Marie sont distants, silencieux. On boit quelques verres, on fume quelques joints. Vers 22h30, l'équipe se sépare. Il est prévu de se retrouver un peu plus tard en boîte de nuit. Bertrand Cantat et Marie Trintignant déclinent l'invitation. En revanche, ils suivent Andrius Leliuga, un assistant lituanien, et vont boire un dernier verre chez lui. Entre les deux amoureux, la situation est particulièrement tendue. Bertrand Cantat presse Marie Trintignant de questions. Elle reste silencieuse, le regard vide, l'air épuisé. Face à cette tension, Andrius Leliuga propose de les raccompagner à leur hôtel. Ils arrivent à 23h30 devant l'escalier du Domina Plaza. Bertrand Cantat et Marie Trintignant montent jusqu'au troisième étage, arrivent devant leur suite numéro 35. C'est là, derrière cette porte qui se referme, que dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003 s'écrivent les premières lignes de la tragédie de Vilnius. Bonjour. Marie Trintignant, entre la vie et la mort, l'actrice française est actuellement dans le coma. Elle tournait ces jours-ci un téléfilm en Lituanie. D'après la police locale, elle se serait cognée la tête ce week-end dans sa chambre d'hôtel lors d'une altercation avec le chanteur de Noir Désir. L'un de ses médecins lui donne 5 à 10% de chances de survie. France Inter. Lorsque l'information tombe ce lundi 28 juillet 2003, la stupeur saisit le pays tout entier, plongé d'ailleurs depuis un mois en pleine crise de la canicule. D'emblée, le nom des personnalités citées marque les esprits. Il y a la distance aussi, ce pays, la Lituanie qu'on connaît mal, et le retard de 24 heures entre le moment des faits et la publication de l'information en France, tout cela est très troublant. Alors, que s'est-il passé ? Ce qu'on sait d'abord, c'est que Marie Trintignant a été admise à l'hôpital universitaire de Vilnius aux alentours de 8h du matin, le dimanche 27 juillet. C'est son frère, Vincent Trintignant, qui a prévenu les secours quelques minutes plus tôt. Au cœur de la nuit, Bertrand Cantat l'avait appelé, paniqué. Lorsqu'il est entré dans la chambre, Vincent a découvert le visage tuméfié de sa sœur. Elle était allongée là, sur le lit, respirant mais semblant endormie. Confronté à cette vision, Vincent commence à hurler contre Bertrand Cantat. Les deux hommes sont encore alcoolisés de leur soirée de la veille. Ils finissent par se calmer. Bertrand Cantat explique à Vincent qu'ils se sont disputés, qu'il l'a frappée et qu'elle est tombée. La respiration de Marie Trintignant les rassure. Alors ils décident d'attendre qu'elle se réveille. Le temps passe et vers 7h du matin, Vincent Trintignant retourne dans la chambre pour voir sa sœur. Or elle saigne au niveau de la bouche. Il essaie de la réveiller. Pas de réponse. C'est là qu'il appelle les secours. L'un des médecins lituaniens témoigne au micro de France Inter. Je ne sais pas précisément ce qui s'est passé. La patiente a été transportée de son hôtel à l'hôpital dans un état critique. Elle était dans le coma et les premiers examens ont confirmé qu'elle souffrait d'une grave blessure à la tête. Une demi-heure après son admission, nous avons décidé de l'opérer afin de retirer un hématome. J'ignore son état à l'heure où je vous parle, mais tard hier soir, elle se trouvait toujours dans un coma profond, sous respiration artificielle, sans aucune réaction cérébrale. Dans ce genre de cas, les chances de survie sont minimes. Bertrand Cantat et Vincent Trintignant accompagnent Marie à l'hôpital. Le chanteur explique au médecin qu'il a giflé Marie, puis qu'il y a eu une bousculade, alors il pense qu'elle a dû tomber, se cogner la tête. De son côté, Vincent Trintignant prévient sa mère, Nadine, qui se précipite à l'hôpital. Le chanteur, lui, erre dans le hall de l'hôpital en pleurs, l'air perdu. Puis il sort, monte dans un taxi et retourne à l'hôtel, sur les lieux du drame. Arrivé sur place, il réunit tous les médicaments qu'il peut trouver, des antidépresseurs, des tranquillisants, et il les avale. Il téléphone à son ex-femme, Christina. Il lui explique la situation, lui dit adieu, et s'écroule. Pendant ce temps, à l'hôpital, la famille Trintignant prévient la police. Un avis de recherche est lancé. Rapidement, on apprend que Bertrand Cantat serait à l'hôtel. Une patrouille de police vérifie et découvre le corps inanimé du chanteur. Alors, c'est à son tour d'être emmené d'urgence à l'hôpital. Les deux amants d'hier se retrouvent donc inconscients à deux étages l'un de l'autre, séparés par la violence. Pendant ce temps, tout s'emballe. Christina et les trois membres du groupe Noir Désir rejoignent Vilnius en avion privé. Du côté de la famille Trintignant, Jean-Louis, lui aussi, s'envole pour la Lituanie. L'équipe du tournage est alertée, les proches se relaient au chevet de l'actrice. L'état de Marie Trintignant est critique. La famille décide de faire appel à un neurochirurgien français, Stéphane Delajoux. Arrivé sur place, le médecin procède à une nouvelle opération. Après l'intervention, il explique la situation aux journalistes. Nous avons réopéré ce matin Marie Trintignant. Une intervention qu'on pourrait qualifier de la dernière chance, en accord avec la famille et en raison de son aggravation très importante ces dernières 24 heures. Pour Bertrand Cantat, ce n'est que le mardi 29 juillet que la police lituanienne vient le récupérer pour le placer en garde à vue. En présence d'un avocat commis d'office et d'une traductrice, dans un état encore confus et fragile, il raconte la nuit dramatique. Il revient d'abord sur l'origine de la dispute. Depuis quelque temps, avec Marie, la relation est compliquée par leur situation familiale respective. Bertrand Cantat est jaloux des rapports entretenus par Marie avec Samuel Benchetrit, son ex-époux. Or, le 23 juillet 2003, l'actrice reçoit un texto de Samuel, qu'elle montre à Bertrand. Le message fait référence à la promotion du film Janice et John, qu'ils viennent de réaliser ensemble et qui doit sortir à la rentrée. Bon, rien d'alarmant dans ce message. Alors que Marie s'absente, Bertrand se saisit de nouveau du portable et là, il relit le message. Il se termine par une expression que Bertrand n'a pas lue la première fois. « Ma petite Janice », une marque d'affection qui rend fou de rage le chanteur. Au cours de la soirée avec l'équipe, il ne décolère pas. Il va jusqu'à appeler Samuel Benchetrit, à qui il laisse un message. Après avoir quitté la soirée, Bertrand Cantat presse Marie Trintignant de lui répondre. D'abord chez Andreas, l'assistant lituanien chez lequel il passe, puis dans leur chambre d'hôtel. Jusque-là, mutique et effacée, Marie s'énerve. Et selon les dires de Bertrand, commence à crier. Après les mots, ce sont les gestes. Les deux amants s'agrippent et échangent des coups. Dans la bousculade, le chanteur chute et son dos se cogne contre une porte. Un choc douloureux puisqu'il souffre d'un lumbago depuis plusieurs semaines. Suite à cette douleur très vive, Cantat se relève, hors de lui, saisit Marie et lui donne une série de quatre gifles, très fortes, souligne le chanteur. Les deux amants s'empoignent de nouveau, butent contre une petite table et Bertrand Cantat jette Marie Trintignant sur le sofa. Le chanteur sort de la pièce pour reprendre ses esprits. Lorsqu'il revient, l'actrice est tombée sur le sol, elle a perdu connaissance. Il la porte jusqu'au lit et lui appose une serviette humide sur le visage. Marie respire, alors il la pense endormie. Et il reste là, prostré, paniqué, un long moment. Il décide d'appeler Samuel Benchetrit. Le réalisateur répond. Bertrand Cantat lui raconte la dispute, les coups, il lui parle de sa jalousie, de sa douleur. Samuel s'inquiète de l'état de Marie. Bertrand dit que ça va, elle dort. Il raccroche et reste ensuite un long moment, seul. Il finit par appeler Vincent Trintignant, le frère de Marie, vers 4h du matin. Voilà le récit de cette terrible nuit par Bertrand Cantat lui-même. Le lendemain, mercredi 30 juillet 2003, les policiers le confrontent à Vincent Trintignant. Il l'emmène ensuite à l'hôtel pour une reconstitution. Bertrand Cantat confirme sa déposition sur les lieux mêmes du drame. La garde à vue arrive à son terme, il le sait. La suite se jouera devant le tribunal qui doit statuer sur son inculpation. Elle a lieu le jeudi 31 juillet en présence de la famille Trintignant. Il était là dans cette petite salle d'audience, dans le box, mais assis à un mètre, peut-être même moins, de Nadine, la mère, et Roman, le fils de Marie Trintignant, lui évitant par tous les moyens d'avoir à les regarder en face. Le fils de Marie Trintignant, en revanche, l'a fixé des yeux du début à la fin. Et puis il y a eu les accusations de Nadine Trintignant. Elle parle des coups portés d'une violence extrême. Tous les médecins me l'ont confirmé, dit-elle. Et lui n'a pas bougé. Si Marie avait été emmenée tout de suite à l'hôpital, elle serait probablement sauvée. Bertrand Cantat, manifestement fatigué, mal rasé, les yeux gonflés, la voix nouée, n'a pu que demander pardon à la famille, soulignant qu'il savait ses propos aujourd'hui dérisoires. C'est un accident, dit-il pour sa défense, mais je suis prêt à payer tout ce que je peux payer. À l'issue de cette première confrontation, Bertrand Cantat est emprisonné jusqu'au 14 août. La famille Trintignant peut désormais s'occuper du rapatriement de Marie, toujours plongée dans le coma. Ses proches savent désormais qu'il n'y a plus rien à faire. Leur seule requête, qu'elle soit rapatriée en France pour y mourir. Dans l'après-midi du 31 juillet, un avion atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Vilnius. Des centaines de journalistes agglutinés saisissent les images du visage de Marie Trintignant, sous assistance respiratoire, la tête bandée, couverte d'hématomes. Dans la cohue, Nadine Trintignant tente de protéger sa fille. Arrivée en France, la famille et quelques amis passent une dernière nuit à ses côtés. Et le lendemain, vendredi 1er août, Stéphane Delajoux se présente devant les journalistes pour annoncer l'inéluctable nouvelle. Madame Marie Trintignant est décédée ce matin à 10h20 des suites d'un œdème cérébral. Et ce, malgré la réanimation poursuivie depuis son arrivée à la clinique Hartmann. À l'annonce de la mort de Marie Trintignant, l'émotion est nationale. Par un communiqué, Jacques Chirac, le président français, lui rend hommage. Les obsèques sont organisées le 6 août 2003. Après une cérémonie intime dans un théâtre, Marie Trintignant est inhumée au cimetière du Père-Lachaise. La famille a accepté que le public assiste aux adieux. Les images de la cérémonie, les larmes de Jean-Louis Trintignant au moment d'adresser ses derniers mots à sa fille, accentuent le choc ressenti par les Français. À plusieurs milliers de kilomètres de là, Bertrand Cantat est toujours dans sa cellule. Il apprendra la mort de Marie Trintignant la veille de son enterrement. Son avocat et les médecins l'estimaient trop fragile pour lui annoncer avant. Le chanteur comprend qu'il a tué de ses mains la femme qu'il aimait, Noir Désir. Après le décès de Marie, son statut change. Il est désormais accusé dans une affaire criminelle. Ce 26 juillet 2003, deux destins autrefois passionnément liés se sont brisés sous les coups de folie de Bertrand Cantat. Dans la nuit de Vilnius, un homme a détruit sa vie, une femme a perdu la sienne. Au cœur de l'été 2003, l'affaire Cantat-Trintignant a tout du dossier hors norme, ce qu'on dit en principe quand on ne sait pas quoi dire. Mais là, c'est vrai. D'abord, le nom des protagonistes. Les circonstances aussi. Violence mortelle d'un homme sur sa femme. Les associations féministes et une grande partie de la société civile ne tardent pas à en faire l'exemple éclatant d'une réalité trop souvent passée sous silence. Sur le plan judiciaire, la première question à régler est celle du lieu du procès. La Lituanie insiste pour qu'il se tienne sur son sol. Il en va de sa souveraineté. Malgré tout, deux informations judiciaires sont en cours. La première a été déposée au tribunal de Vilnius, la seconde à Paris. C'est la jeune juge d'instruction Nathalie Turc qui est chargée du dossier. Côté français, c'est donc elle qui entend à Paris les différents témoins, notamment Samuel Benchetrit, l'ex-mari de Marie Trintignant, qui a eu Bertrand Cantat plusieurs fois au téléphone le jour du drame. Nathalie Turquet fait procéder à une autopsie du corps. Élément essentiel, puisque seul cet examen peut confirmer ou infirmer les propos de Bertrand Cantat, unique témoin et principal accusé dans cette affaire. C'est un document d'une dizaine de pages et il ne laisse guère de doute. Le rapport d'autopsie vient d'être versé au dossier Marie Trintignant. La comédienne a bien été victime de coups violents et multiples au visage. En tout cas, Étienne Monin, le document rend très improbable la thèse d'une chute accidentelle défendue par Bertrand Cantat. Oui, le rapport est sévère. On a de plus en plus de mal à croire à une simple gifle qui provoque une chute. Marie Trintignant semble avoir succombé suite à une succession de coups dont les traces témoignent de la violence. Très prudent sur leurs conclusions, les légistes font tout de même le lien entre la répétition des traumatismes et les lésions au cerveau, assimilable au syndrome du bébé secoué, explique un enquêteur qui ne croit pas aux conséquences de la chute. Les coups avant tout ont été portés au visage. L'autopsie confirme en partie la version racontée par Bertrand Cantat. Sur les quatre gifles, très violentes, qu'il explique avoir portées, les médecins estiment que cela se vérifie pour trois blessures. En revanche, pour la quatrième, au nez, il penche plus pour un coup de poing ou un coup de tête, sans le certifier. Dès lors, l'interprétation et les doutes laissés par l'autopsie deviennent, dans un camp comme dans l'autre, une pièce essentielle du dossier. Car Bertrand Cantat s'est toujours défendu d'avoir voulu tuer sa compagne. Et là, la différence entre un coup de poing et une gifle devient primordiale, dans l'intention. Le juge d'instruction demande à rencontrer Bertrand Cantat à Vilnius. C'est au cours de cette entrevue que la bataille judiciaire est véritablement lancée entre les deux camps. D'un côté, la famille de Marie Trintignant est représentée par le célèbre avocat et ancien ministre de la Justice, Georges Kiesman. Bertrand Cantat, lui, a choisi Olivier Metzner, connu notamment pour avoir défendu de grands patrons comme Loïc Le Floch-Prigent ou Jean-Marie Messier. À la mi-août, Nathalie Turquet se rend en Lituanie. Elle peut rencontrer et interroger les témoins essentiels de la nuit du drame. D'abord, Gary Tuck, un Britannique, qui logeait dans la chambre voisine. Il confirme avoir entendu des cris, mais ne parlant pas français, il n'a pas pu comprendre ce qui se disait. La juge d'instruction interroge ensuite Andrius Leliuga, le jeune assistant lituanien. Lui raconte que les deux amants sont passés boire un verre chez lui. Bertrand Cantat était très agité. À un moment, il a même sauté du balcon de l'appartement vers celui des voisins. Il a cassé un verre en le jettant contre un mur. Et puis il a bousculé Marie Trintignant. C'est pour cette raison qu'il les a raccompagnés à leur hôtel. Enfin, le jeudi 21 août 2003, à 9h du matin, Nathalie Turquet rencontre Bertrand Cantat en présence de son avocat Olivier Metzner. Après plusieurs heures d'entretien, ce dernier s'avance devant les journalistes. Marie lui est apparue comme jamais. Il ne l'avait vue. En furie, hystérique, mais il ne pensait pas qu'elle puisse être comme ça. Elle a malheureusement frappé un premier coup. Elle a grippé, il est tombé. Mais après cela, elle était déjà sortie de ses gonds, lui est sortie aussi de ses gonds après. Il reconnaît l'avoir frappé. Après une douleur dans le dos, et il reconnaît l'avoir frappé. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Et il reconnaît, il a dit dès le départ, je suis responsable de la mort de Marie. Il ne fuit aucunement ses responsabilités. Après avoir été tout en retenue lors de ses interventions précédentes, l'avocat de Bertrand Cantat décide cette fois de lancer l'offensive. Sa stratégie est claire. Son client a toujours reconnu avoir frappé Marie Trintignant sans jamais avoir voulu la tuer. Il ne s'est pas rendu compte de la gravité de son état. Enfin, c'est l'hystérie de l'actrice qui aurait provoqué l'enchaînement de violences. Lorsque la famille Trintignant entend la déclaration d'Olivier Metzner, le choc est violent. Faire de leur fille une hystérique, c'est salir sa mémoire et minimiser le rôle de Cantat dans sa disparition. Dès le lendemain à Paris, Georges Kiesman, leur avocat, organise une conférence de presse pour répliquer. Il est parfaitement invraisemblable de penser que cette frêle jeune femme, d'1m65, moins de 60 kilos, ait pu bousculer, renverser à terre un gaillard qui est un véritable athlète d'1m90, 85 kilos, et entraîné à plusieurs disciplines sportives. Je ne m'étendrai pas sur l'hystérie prétendue de Marie. C'est l'excuse classique des hommes qui frappent. Dans l'attente du procès s'ouvre alors une période d'affrontement entre les deux clans, Cantat d'un côté, Trintignant de l'autre. On essaie d'adoucir l'image du chanteur côté Cantat et de rétablir certaines vérités. Jusque-là silencieuse, Christina, son ex-femme, et les membres du groupe Noir Désir organisent une conférence de presse où ils exposent leur incompréhension face aux gestes de Bertrand, mais ils réfutent, notamment Christina, des antécédents violents du chanteur. Chez les Trintignant, on contre-attaque. On s'appuie notamment sur une discussion que la même Christina a eue avec des proches de Marie Trintignant le soir où elle est arrivée à Vilnius. Elle leur a dit que le chanteur avait déjà été violent avec elle. Alors, Georges Kegeman enquête dans le passé du chanteur pour trouver des précédents. Plusieurs événements émaillent cette période. D'abord, une soirée de soutien organisée par les parents et la sœur de Bertrand Cantat à Vilnius. Une initiative largement critiquée par les proches de Marie Trintignant qui parle d'indécence, d'atteinte à la mémoire. Le 11 septembre 2003, la maison landaise de Bertrand Cantat est incendiée. Quelques semaines plus tard, Nadine Trintignant publie un livre intitulé « Marie, ma fille » dans lequel le nom de Bertrand Cantat n'est jamais mentionné, mais remplacé par les expressions « ton meurtrier » ou « ton assassin ». Olivier Metzner, l'avocat de Bertrand Cantat, dénonce une atteinte à la présomption d'innocence et cherche à faire retirer le livre. L'affaire sera finalement réglée devant un tribunal où, pour la première fois, les deux avocats et les deux camps se retrouvent. Une sorte de répétition du véritable procès, celui qui s'ouvre à Vilnius le mardi 16 mars 2004. Madame, monsieur, bonjour. 8 mois après la mort de la comédienne Marie Trintignant dans une chambre d'hôtel de Vilnius, son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat, est depuis ce matin devant ses juges. Ses avocats vont tenter de plaider le crime passionnel. La partie civile défendra la thèse des violences ayant entraîné la mort. Ce matin, la première audience a eu lieu en public. Le huis clos, censé protéger la vie privée des deux protagonistes, n'a pas été retenu par les juges. Bertrand Cantat entre dans la salle, les mains menottées, la tête basse. Il paraît très amaigri, le visage pâle. Le premier jour du procès est consacré à son témoignage, justement. D'une voix à peine audible, fragile, il raconte, une fois encore, le déroulé des événements. Méthodiquement, il reprend les différentes étapes qui ont conduit à la tragédie. Au cours de son récit, il ajoute aussi ce qui constitue son deuxième axe de défense, l'état mental de Marie. Il décrit une femme extrême, absolue, qui prenait des médicaments et fumait souvent des joints. Il termine en s'adressant directement à Nadine Trintignant et exprime tout son désespoir, sa souffrance, ses regrets. Puis c'est au tour de Nadine et Vincent Trintignant d'intervenir. Eux insistent sur la personnalité de Marie, tout le contraire d'une hystérique. Ils dénoncent les mensonges de Bertrand Cantat et surtout, ils insistent sur la violence des coups portés, sa passivité pendant les heures qui ont suivi son acte. À la sortie de cette première séance, certains proches de Marie Trintignant, comme Samuel Benchetrit, ne cachent pas leur colère face à la version du chanteur. Moi qui fasse 6 ans, 7 ans, 8 ans de prison, j'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse pas. Je suis pas venu pour ça. Je suis juste venu pour la famille de Marie que j'aime et pour dire non, la mère de mon fils, c'est pas une hystérique, c'est pas vrai. Parce que moi, j'ai vécu avec cette femme-là, elle n'était pas comme ça. Marie, c'était une vraie femme qui vous épanouissait, qui faisait progresser. Je pense aux enfants. On pense à nos petits. Et on n'a juste pas envie qu'ils grandissent avec ces trucs faux. Moi, je suis en colère. Hein. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Je pensais qu'il y aurait un truc d'humanité, quoi. J'en veux beaucoup plus pour ce qui s'est dit après. Là, c'est plus un meurtre d'amour du tout, quoi. On parle pas de comme ça de quelqu'un qu'on aime. On se défend pas de quelqu'un qu'on aime. Quelqu'un qu'on aime, on l'aime jusqu'au bout. Et on ne l'accable pas. Et on convainc sa famille de dire « Foutez-moi la paix, je veux pas me défendre. Moi, je veux respecter la mémoire de Marie, de ses enfants, des gens qui l'aiment, de sa famille. » C'est d'ailleurs Samuel Benchetrit lui-même qui est appelé à témoigner le lendemain. Il revient sur les différents coups de téléphone avec le chanteur, le jour et la nuit du drame. Il révèle aussi une discussion qu'il a eue avec Christina, l'ex-femme de Cantat. Elle lui aurait dit que Bertrand Cantat l'avait déjà menacé avec un couteau. Or, c'est elle qui justement succède à Samuel Benchetrit à la barre. D'origine hongroise, cette femme parle russe et un peu lituanien. Un avantage dans ce procès où tout est traduit, ce qui ralentit les échanges. Christina nie toute violence physique qu'aurait pu avoir Cantat pendant les 11 années qu'ils ont passées ensemble. Jusqu'au bout, elle défend son ex-mari et le père de ses enfants. À l'issue de cette journée, le procureur demande que Bertrand Cantat soit condamné pour homicide volontaire. Mais dans une formule, il dit toute la complexité du dossier. Il ne voulait pas donner la mort, mais l'a déclenché et n'a rien fait pour l'empêcher. Bertrand Cantat peut être condamné à 15 ans de prison, mais le procureur n'en réclame que 9. À la sortie du tribunal, Georges Kegeman réagit. Je ne me prononce jamais de manière arithmétique sur la peine qui est demandée contre un accusé. C'est en tout cas une peine assez forte, puisqu'elle est supérieure à la moyenne possible entre le minimum et le maximum. Quand on est dans la douleur, on pense qu'aucune peine ne vous rendra l'être qu'on a perdu. Vous avez entendu Nadine, vous avez vu que pour elle, ce qu'elle souhaite, c'est une peine très sévère. Et effectivement, même cette peine très sévère ne rendra pas aux enfants Marie, leur mère. Seulement, on peut se dire qu'à ce moment-là, le prix de la vie aura été correctement évalué par des juges. Bon, la procédure devant le tribunal criminel de Vilnius a pu paraître très différente de la procédure française devant la cour d'assises, mais finalement, c'est toujours les mêmes valeurs que l'on défend, le respect de l'être humain et d'abord le respect de sa vie. Finalement, le 29 mars 2004, Bertrand Cantat est condamné à 8 ans de prison ferme. Le 28 septembre, il quitte la Lituanie pour purger sa peine en France. Après 4 ans de détention, il est placé en liberté conditionnelle. Il lui est interdit d'évoquer publiquement l'affaire. Le groupe Noir Désir se reforme un temps avant de se séparer. L'ombre du drame de Vilnius laissera des traces indélébiles et probablement éternelles. Alors, pour lutter contre le poids de sa culpabilité, pour essayer d'avancer sans oublier, Cantat n'avait sans doute d'autre choix que de reprendre la chanson et la scène. De leur côté, les Trintignants se sont exprimés à plusieurs reprises sur ce drame. Nadine a notamment adressé une lettre au juge pour lui demander de refuser la libération conditionnelle de Bertrand Cantat. On ose imaginer la peine de ses parents qui, par deux fois, ont connu la perte d'un enfant. Jean-Louis Trintignant avait noué avec sa fille Marie une relation fusionnelle, à la fois dans la vie privée, mais aussi sur scène, puisqu'ils ont joué à plusieurs reprises ensemble. Comme pour ce spectacle sur les poèmes à Lou d'Apollinaire, monté quelques années avant le décès de Marie, et dont les résonances sont depuis cette nuit de Vilnius particulièrement saisissantes. Je voudrais que tu sois mon cœur, pour te sentir toujours en moi. Je voudrais que tu sois le paradis ou l'enfer selon le lieu où j'aille. Je voudrais que tu sois un petit garçon pour être ton précepteur. Je voudrais que tu sois la nuit pour nous aimer dans les ténèbres. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Bertrand Cantat avec notre invité Titiou Lecoq. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste freelance. Tout ça veut dire que vous n'êtes pas attaché à une rédaction particulière et vous êtes blogueuse sur le site Girls and Geek, un blog que vous avez créé. Vous êtes également romancière et vous venez de publier en novembre dernier, chez Fayard, le livre intitulé Libéré. Alors ça, c'est le titre Libéré, mais il y a le sous-titre. Mais moi, je suis très attaché aux sous-titres qui disent parfois beaucoup de choses. Et celui-là vaut le détour. Il dit le combat féministe se gagne devant le panier de l'un sale. On va y revenir, évidemment. On va quand même avant tout parler de l'affaire que nous venons de raconter, sans retourner dans les détails factuels, ça a été fait. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, cette affaire ? C'est devenu un peu un baromètre dans la société française, quand on voit, déjà parce qu'elle revient régulièrement, et par exemple, si on prend la couve des Inrock que Quentin a faite il n'y a pas très longtemps, c'était pas la première qu'il refaisait depuis sa sortie de prison. Il en avait déjà fait une en 2013. Et vous évoquez celle d'octobre dernier. Oui, d'octobre dernier. Mmh. Et on voit la différence de réaction générale entre 2013 et 2017. Donc ça veut dire que la société est en train d'évoluer sur la question des violences faites aux femmes. C'est-à-dire qu'en en 2013, il donne une interview. Enfin, on lui fait la couve. Il fait la couve. Il fait la couverture. Ça choque pas et ça choque plus en 2017. Alors, c'est ce que ça vous choque dites. Quelques personnes. Quand même, il y a quelques réactions, mais pas aussi unanime que là la dernière fois où ça arrivait juste après l'affaire Weinstein et donc on commençait à parler vraiment sur le fond des violences faites aux femmes. Et donc, ça prenait un tour plus choquant, je pense, pour la plupart des gens. Que le magazine Elle a réagi en mettant la photo de Marie Trintignant. Et Dorothée Werner, dans Elle, signe un éditorial très fort, intitulé « Au nom de Marie », contre cette interview des Inrock. Elle juge la médiatisation de Bertrand Cantat obscène. Le mot est fort. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, je suis assez d'accord. Et sur le côté... Il y a déjà la question de lui décide de se remettre en avant. Et ça, c'est pas anodin, parce que forcément, quand on est une personnalité publique, c'est pas quelqu'un qui a un travail anodin qui retourne effectivement au travail après sa peine de prison qu'il a purgée. C'est une personnalité publique. Et avant 2003, il mettait sa notoriété au service de causes politiques. C'était un artiste engagé, donc il fait très bien le lien entre le fait d'avoir sa personnalité publique et d'envoyer un message politique. Là, forcément, il ne peut pas ne pas se poser la question « Quel message j'envoie à la société sur les violences faites aux femmes quand je reviens, que je fais des couves de magazines, que je fais des tournées ?» C'est une question que forcément il a dû se poser, et donc on a de fait le droit de juger qu'il envoie un message absolument désastreux. Alors, il y a toujours ce fameux débat entre le droit et la morale. Ouais. Bah, le droit, il l'a pour lui. Il a été jugé, il a fait sa peine. Il l'a pour lui, le droit. Alors, il n'a pas la morale, d'accord ? Enfin bon, moi, je vous renvoie quand même la question du droit. Oui. Alors, mais il a purgé sa peine, c'est vrai. Ça, c'est le point de vue purement judiciaire. Absolument. Et le judiciaire s'occupe d'un cas particulier. Donc, l'affaire Cantat Trintignant, ça a été jugé, il a été déclaré coupable, il a fait sa peine. Après, derrière, il y a... Le problème, moi, quand je fais la liste pour Libération de toutes les femmes qui ont été tuées par leur compagnon ou ex-compagnon, je vois plein de faits divers comme ça, d'affaires individuelles, et je vois la suite de prénoms, et je vois les points communs entre toutes ces histoires. Et quand on prend du recul, on se rend compte que c'est un problème de société. Le problème des homicides conjugaux, c'est un problème dans la société française. Si on veut régler ce problème, il faut admettre qu'il existe. Et donc, pour qu'il existe, c'est voir la somme de toutes ces affaires particulières. Et donc, on ne peut pas rester derrière l'aspect purement judiciaire. Oui, ben voilà, cette affaire a été traitée, c'est fini, on peut l'évacuer. Non, si on veut que ça se règle, et il y a des pays qui l'ont fait, qui ont mené des politiques et qui ont fait baisser les chiffres d'homicides conjugaux. Donc, c'est possible d'avoir un impact dessus. Mais pour ça, il faut voir la somme et arrêter de se cacher derrière. Ben, c'est bon, l'instance judiciaire a fait son travail, on n'a plus rien à dire. Alors, puisque vous m'emmenez sur le terrain de cette enquête pour Libération, très bien, restons-y. Pourquoi cette méthode de recensement, si vous avez déjà répondu à ça, mais quels ont été les points communs que vous avez retrouvés, les plus prégnants dans tous ces drames ? Alors, les différences qui m'ont étonnée quand j'ai commencé cette liste, c'est que ça touche tous les âges. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, pour 2018, en janvier, la victime la plus jeune, c'est une jeune fille de 15 ans. Donc c'est son premier amour, c'est son premier amoureux qui l'a poignardé. Donc on commence vraiment dès l'adolescence et ça touche les plus âgés. Ça touche beaucoup de couples de retraités où le mari tue sa femme. Enfin, donc tous les âges. Donc absolument tous les âges. Après toutes les couches sociales, ça je le sais. Toutes les couches sociales. Ouais. Et ça, Quentin Trintignant, c'est quand même très clairement, voilà, on se dit, oui, ça touche tout le monde. Et après, ce qui est justement, au milieu de toutes ces différences, on retrouve les mêmes mécanismes. Alors on les retrouve d'ailleurs dans l'affaire de Quentin. C'est souvent, il y a des antécédents de violence qui sont là, qui ont été plus ou moins signalés, mais voilà, qui sont là. Le déclencheur du passage à l'acte homicide, c'est très souvent une crise de jalousie. C'est-à-dire la sensation pour l'homme que sa compagne lui échappe, ce qui veut dire qu'il considère qu'elle devrait lui appartenir entièrement. Et à partir du moment où elle marque une forme de liberté quelconque, donc ça peut être un texto reçu d'un ex dans le cas de Marie Trintignant, ça lui devient insupportable et donc il l'anéantit parce qu'il faut qu'elle lui appartienne. Donc ça se retrouve. On retrouve aussi la tentative de suicide, ça c'est récurrent. Mmh. Alors il y a ceux qui se suicident vraiment, ceux qui font des tentatives. Et en dernier lieu, quand il y a procès, c'est la ligne de défense est toujours la même. C'est-à-dire qu'ils inversent la responsabilité et que la victime devient un peu responsable. Ouais. De sa mort, ouais. Parce que elle l'a poussée à bout. Donc là, ça a été dit, elle était hystérique, elle est devenue très méchante, elle n'était plus elle-même, enfin voilà. Et donc, en fait, c'est son attitude à elle qui a poussé l'homme à la tuer. On retrouve ce genre de jugement fallacieux, parfois même pour les viols. Ça peut arriver. Viol, oui. Elle l'a provoqué. Oui, ah, c'est le même ressort. Aussi. C'est tout à fait le même ressort. Comment vous expliquez, je ne sais pas si vous pouvez l'expliquer, parce que c'est vraiment très, très compliqué, que dans des catégories sociales qui vivent confortablement, où on a des repères, on a plus de repères, parce que souvent on a plus d'instructions, on a plus réfléchi, et on s'aperçoit que finalement, maintenant, il n'y a pas de repères, au bout du compte, qu'un homme est capable de tuer sa femme, même quand il a des repères d'éducation, de savoir. Oui, mais parce que ce n'est pas un acte primaire. C'est ça qui est important de comprendre, c'est pas un acte primaire, c'est lié à la construction sociale qu'on a des rapports amoureux entre les hommes et les femmes. Conception sociale. Mmh. Et donc ça, c'est culturel, et donc c'est cette idée de rapport de domination et d'amour folie un peu romantique, ce qui n'est pas le cas. Alors l'amour romantique, on se dit, oui, Georges Sand et Alfred de Musset. Ils ont souffert de leur histoire d'amour, mais Alfred de Musset n'a pas tué Georges Sand. Mais voilà, il y a cette espèce de construction qui est purement culturelle, et donc ça part pas d'une pulsion primaire. C'est ça qu'il faut déconstruire. Alors, je reviens à l'actualité concernant Quentin. Une pétition rassemblant, au moment où l'on parle, hein, je crois, 69 000 signatures, demande la déprogrammation de Bertrand Quentin le 18 mai prochain au festival Papillon de Nuit. C'est dans le département de la Manche. À Saint-Nazaire, il était déprogrammé. Et maintenant, c'est le festival Ardèche à Luna qui déprogramme Quentin. Alors, ce matin, il se trouve que la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, était l'invitée du 7-9 de France Inter. Et la question lui a été posée à propos de Bertrand Quentin. Est-il décent qu'il se produisent en concert. Écoutez. Mais je voudrais d'abord faire part de l'émotion. Il s'est passé quelque chose de terrible. Je voudrais rappeler la mémoire, parce qu'on parle toujours de Quentin, et on ne rappelle pas la mémoire de Marie Trintignant. Je tiens à la rappeler, à souligner la dignité de sa famille, et je pense à eux. Vous l'avez dit, il a été jugé. Il a absolument le droit de vivre normalement. Et la ministre de la Culture n'a pas à intervenir sur la programmation. Liberté de programmation, pour autant, ça n'empêche pas les programmateurs d'agir en responsabilité. Ça n'empêche pas les programmateurs d'agir en toute responsabilité à travers ces lignes, parce qu'il faut lire à travers les lignes, hein, là, pour le coup, elle ne dit pas les choses ouvertement. Moi, j'ai l'impression qu'elle dit aux programmateurs, si vous ne le sentez pas, ouais, vous ne faites pas, quoi. Vous ne le recevez pas. Enfin, je ne sais pas, Non, mais je sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui, c'est ce que je comprends aussi, effectivement. C'est compliqué pour les politiques d'avoir compliqué. Une parole là-dessus. Elle est dans là-dessus. Son rôle. Oui. Voilà. Et après, bon, vous, par exemple, vous seriez aujourd'hui programmatrice d'un festival, Quentin, pas question. Moi, à titre personnel, non, je le programmerai pas, comme j'irai pas assister à un concert de Bertrand Quentin. Mais après, c'est des choix personnels. Mais c'est vraiment, ça serait sous l'angle de la question de quel message on envoie à la société à un moment où il se passe quelque chose et on commence à parler des violences contre les femmes. Il y a aussi des questions de timing, quoi. Et là, en ce moment, c'est particulièrement insupportable. La lutte pour les droits de la femme n'a pas commencé hier, évidemment, déjà dans les années 70, bien sûr. Et aux États-Unis, de la part d'un Anglais qui vivait aux États-Unis à l'époque, John Lennon, qui chantait « Woman is the nigger of the world ». Tout est dit dans le titre. guess you knew. Think about it. Woman is the middle of the world. Think about it. Do something about it. We make a paint our faces dance. She won't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. Dans cette affaire, quant à Trintignant, il y a une deuxième victime, un surdrame, si j'ose dire. Christina Radi, l'ex-femme de Cantat, qui avait témoigné en faveur de son ex-mari. Hein, et puis, 6 ans plus tard, le 11 janvier 2011, elle se suicide. Alors ça aussi, ça nous dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, c'est une affaire compliquée parce que on sait qu'elle a, il y a le message téléphonique qu'elle a laissé sur le répondeur de ses parents qui met en cause Bertrand Cantat pour des violences conjugales. Ah oui. Où voilà, elle explique qu'il la frappe, qu'elle a peur pour sa vie et qu'elle est à bout, qu'elle n'en peut plus et qu'elle ne pourra pas continuer comme ça. Et après, elle s'est suicidée. Donc forcément, le soupçon de côté, après, c'est un peu de l'analyse de comptoir, mais se dessine le portrait d'un homme qui est plus exactement ce qu'on voyait, genre un artiste romantique, etc., qui devient un homme possessif, qui tient les femmes sous sa coupe et voilà, qui les écrase, quoi. Donc ça tend plutôt à montrer que c'est une histoire qui ressemble vraiment à tous les autres homicides conjugaux, parce qu'il y a un profil quand même qui se retrouve. Absolument. On en arrive à votre livre, intitulé Lecoq. Libéré, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale, d'où la théorie de la chaussette. Qu'est-ce que c'est la théorie de la chaussette ? C'est la chaussette sale qui traîne par terre, là où elle ne devrait pas être, et surtout que je ramasse parce que c'est moi qui la vois, et que la personne avec qui je vis, visiblement, ne la voit pas. Elle ne passe pas devant ses yeux. Et, il ne la voit pas parce qu'en tant qu'homme, il se dit qu'il n'est pas obligé de la voir, et qu'il y a une femme pour ça. Parce qu'il y a, alors c'est ça, j'analyse toutes les raisons qui font que je la ramasserai plus tard, ça me dérange pas qu'elle traîne là, enfin voilà. Et donc pourquoi? On n'a pas les normes, mêmes normes de propreté, donc moi ça me dérange, lui ça le dérange pas, enfin. Et donc en fait, comment à partir d'une chaussette se met en place, c'est le symbole de toute une suite d'inégalités sur le rapport à la maison, au domestique, entre les hommes et les femmes. Il y a une solution, hein? Il s'agit de vivre seul. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est une bonne solution, voilà. Évidemment. L'objectif moral du ballet, c'est quoi ça? Parce qu'après, il y a le retour en grâce du ballet. Alors là, les auditeurs se disent, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit simplement, il donne des titres. Les titres des chapitres. Les titres des chapitres de votre livre. Alors, l'objectif moral du ballet et le retour en grâce du ballet, s'il vous plaît. Alors, l'objectif moral du ballet, en allant très vite, c'est l'histoire de l'éducation ménagère en France. C'est-à-dire qu'en fait, les gestes de ménage que les femmes font à l'heure actuelle en 2018 en France sont des gestes hérités et qu'à un moment, l'institution scolaire et la République française a décidé d'apprendre aux femmes parce qu'elles ne faisaient pas bien le ménage et qu'il fallait qu'elles le fassent bien. Mmh. Et donc on leur a appris à ne pas supporter la saleté, le désordre, etc. Et donc il y avait l'idée de, si elles sont de bonnes ménagères, eh ben, ce seront aussi des femmes vertueuses. Parce que celui qui supporte le désordre matériel a forcément un désordre moral et voilà, une vie dissolue. Donc il y avait vraiment un objectif politique et moral dans le fait qu'elle passe le balai. Et après, le retour en grâce du balai, c'est tout ce qui est les instituts Montessori, etc., qui disent que c'est très bien maintenant que les enfants utilisent des balais, que ça rend plus intelligent. Et donc, il y a un peu un retour à la mode des activités ménagères pour certaines classes sociales, et bizarrement pour les classes sociales les plus élevées. Dangereux ? Non, c'est pas dangereux, mais c'est toujours... Ce qui est bien dans les instituts Montessori, par exemple, c'est que c'est pour les filles et pour les garçons. Ah, bah voilà. Donc moi, je suis pour un retour de l'éducation ménagère dans les écoles françaises, pour les garçons et les filles. Voilà, mais voilà. À la fois, autant pour les femmes que les hommes, bien. Alors, dans les combats, dans tout ce combat pour les droits de la femme, depuis plusieurs décennies maintenant, à votre avis, quels ont été les progrès majeurs réalisés jusqu'à aujourd'hui ? Bah, il y a le fait qu'on a les mêmes droits officiels, les mêmes droits légaux, ça c'est évident, c'est un premier. Mais en fait, ce qu'on n'a pas vu pendant longtemps, ce que Simone de Beauvoir disait déjà en fait dans les années 60, c'est que ça n'était qu'une étape. Et c'est vrai que le mouvement féministe a accompli des choses incroyables en très peu de temps, en un siècle, et qu'après on s'est un peu arrêté quoi. On s'est dit, bon bah ça va, on a le droit de vote, on a le droit à l'avortement, à la pilule. On parle en plus. Voilà, bon. Bah, c'est bien, on est à égalité puisque l'État nous dit qu'on est à égalité. Et en fait, non. Enfin, moi je sais que j'ai grandi avec l'idée que j'étais à égalité avec les garçons et qu'il a fallu que j'attende d'avoir des enfants et de passer le cap de la trentaine pour me dire, mais en fait non, c'est pas ça l'égalité. C'est pas que je fasse les tâches ménagères et que je sois moins payée. Donc voilà, donc en fait il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors justement, dans ce qui reste à faire, ce serait quoi pour vous les progrès les plus urgents là ? Sur quoi il faut travailler maintenant ? Qu'est-ce qui fait que... Alors il y a l'inégalité salariale par exemple, ça c'est pas réglé, c'est parfaitement scandaleux. C'est quand même l'un des trucs les plus scandaleux qui soit dans la condition des hommes et des femmes, qu'à travail égal, il n'y ait pas de salaire égal. Est-ce que c'est pas ça la priorité ? C'est difficile de mettre une priorité. Enfin, en fait, oui, sur le fond, mais, oui, c'est difficile de. Faut attaquer sur tous les. Mais en fait, le fond est toujours le même, c'est que les femmes sont toujours associées. Au 19e siècle, il y avait la théorie des deux sphères. Savoir, on disait que la sphère privée de l'intime, c'était celle des femmes, et que la sphère de l'extérieur, l'espace public, le monde extérieur, c'était pour les hommes. Et en fait, on continue un peu à vivre dans cette idée-là. Et c'est pour ça que quand les femmes vont travailler à l'extérieur, elles sont toujours moins payées, parce que c'est moins leur place, et que leur vraie place, c'est quand même de s'occuper des enfants et de la maison. Et donc, et c'est pareil pour le sentiment d'insécurité des femmes dans les transports en commun, etc. Il faut réussir à casser cette division par genre de ces deux espaces. Mais il ne faudrait pas légiférer pour ça, parce que ça arrange aussi certains employeurs. De moins payer une femme, c'est moins payer un salarié dans le sens global. Ah, vous avez vu à la BBC ce qu'ils font ? Ils ont décidé de moins payer les hommes pour être à égalité avec les femmes. Bon, alors il y a des initiatives comme ça par entreprise, mais peut-être qu'on pourrait légiférer et dire, même dans la Constitution, il est hors de question qu'une femme, parce qu'elle est femme, gagne moins qu'un homme. Mais c'est déjà interdit. C'est déjà interdit, mais combien, moi quand je pose la question à des femmes, elles ne savent pas combien sont payés leurs collègues. Voilà, au sein d'une même entreprise. Vous en contournez l'interdiction, mais il faut trouver un moyen de ne pas contourner l'interdiction. Donc il faudrait déjà que tous les salaires soient rendus publics, qu'on puisse comparer, etc. Voilà, on est bien d'accord. Ouais. Dernière chose, Titiou Lecoq, demain c'est le 8 mars, c'est pas la journée de la femme, c'est la journée du droit des femmes, c'est bien ça, hein ? Les droits de la femme, oui. Des droits de la femme. Ça sert à quelque chose ces journées, parce qu'on a l'impression que, oui, on va plus respecter la femme le 8 mars, puis le 9 on prend les mauvaises habitudes. Oui, bah moi en tant que féministe, ça me sert à râler sur toutes les campagnes de pub des marques. C'est toujours bon à prendre. Voilà, c'est une bonne occasion. C'est le jour où on râle, on dit ah bah voilà, c'est super, on a une épilation gratuite si on y va avant midi. Enfin, voilà. Donc ça sert cette année, ça sert encore moins que d'habitude parce que heureusement, on est en train de parler de ce sujet depuis le mois d'octobre et voilà, de manière un peu continue. Bien, merci infiniment Titiou Lecoq. Je rappelle le titre de votre livre publié chez Fayard, Libérer le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. Merci. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Bertrand Cantat, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Léo Prangère qui était à la technique aujourd'hui. Demain, premier épisode de La Veste. La Veste, c'est une fiction en 4 épisodes, vous verrez, autour de la défaite de François Fillon à la présidentielle. Évidemment, c'est une fiction, mais qui se rapporte à une réalité que vous connaissez bien, sur laquelle nous allons revenir.